La conquête de la Mecque. Ibn al-Qayyim a décrit la conquête de la Mecque comme étant la victoire la plus éclatante par laquelle Allah a honoré sa religion, son messager alayhi salatu wassalam, son armée et son parti. Cet événement se traduisit par la libération du territoire sacré de la Kaaba qu'Allah établit comme bonne direction pour les habitants de l'univers. Cette conquête constitua la victoire dont se sont réjouis les habitants du ciel. À sa suite, les gens par vagues successives sont venus à l'islam et la terre s'en est illuminée. Les causes de l'expédition contre les Mécois. Selon les termes du traité d'Al-Hudaybiyah, les tribus arabes pouvaient s'allier avec le camp de leur choix, musulmans ou quraïchites. Toute agression contre la tribu qui se joindrait à l'une ou à l'autre partie serait considérée comme visant cette dernière. Ainsi, conformément au traité, les Banu Bakr rejoignirent Quraysh et les Khuza'a s'allièrent au prophète alayhi salatu wassalam. La paix régna quelque temps, mais des motifs de conflit remontant à l'ère pré-islamique, attisés par une soif de vengeance que rien n'était venu atténuer, amenèrent le déclenchement de nouvelles hostilités. Les Banu Bakr, ne se souciant absolument pas des clauses du traité, attaquèrent les Banu Khuza'a en un lieu dénommé Al-Watir au mois de Sha'ban de l'an 8 de l'Hégire. Les Quraychites aidèrent les Banu Bakr en leur fournissant secrètement des hommes et des armes durant la nuit. Les membres de la tribu de Khuza'a cherchèrent refuge dans le sanctuaire sacré, mais leurs vies n'y furent pas épargnées. Et, contrairement aux traditions unanimement reconnues, Nawfal ibn Muawiya ad-Dayli, le chef des Banu Bakr, poursuivit ses adversaires dans l'enceinte sacrée où le sang ne devait pas être versé, et il les y massacra. Amr ibn Salim, de la tribu de Khuza'a, vint alors voir le prophète alayhi salatu wassalam pour le prévenir que Quraysh et les Banu Bakr avaient violé le traité d'Al-Hudaybiyah. Il déclama les vers suivants. « Seigneur, à Muhammad je rappelle notre alliance avec lui et celle avec son aïeul. Vous étiez le fils et nous le père. Avec vous, la paix nous avons toujours cultivée. À notre secours vole donc qu'Allah te dirige et appelle les serviteurs d'Allah, ils nous prêteront assistance. Parmi eux, décidez l'envoyé d'Allah, aussi beau que la pleine lune s'élevant. Si humiliation lui inflige, son visage s'assombrit, accourant dans une légion telle la mer écumant. À leurs promesses, les Quraychites ont manqué, rompant ton pacte solide. À Koudar, il me guettait, prétendant que personne je n'appellerai. Ville minorité. À Al-Watir, ils nous ont la nuit attaqués, nous tuant, inclinés et prosternés. » L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui dit « Tu seras assisté, ô Amr ibn Salim. » La même information fut rapportée au prophète, alayhi salatu wassalam, par une députation de la tribu de Khuza'a, présidée par Budayl ibn Warqa. Le comportement des Quraychites équivalait à une rupture du traité d'Al-Hudaybiyah et constituait de toute évidence une manifestation d'hostilité à l'encontre des Banu Khuza'a, alliés des musulmans. Les Quraychites se rendirent rapidement compte de la gravité de la situation et se mirent à redouter les conséquences terribles et imminentes de leur déloyauté. Ils convoquèrent d'urgence une assemblée où ils décidèrent d'envoyer leur chef Abu Sufyan en mission à Médine en vue de renouveler le traité. Celui-ci se rendit directement chez sa fille Habiba, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Mais alors qu'il allait s'asseoir sur le tapis du messager d'Allah sallallahu alayhi wassalam, elle le replia. « Ma fille, » dit-il, « je ne sais si tu penses que le tapis est trop beau pour moi ou que je suis trop noble pour lui. » Elle répondit, « c'est le tapis du messager d'Allah et tu es un polythéiste impur. » Désespéré par la réponse cinglante de sa fille, Abu Sufyan lui dit, « certes, ma fille, un malheur t'a frappé depuis que tu nous as quittés. » Puis il sortit de sa chambre pour se rendre chez le prophète, alayhi salatu wassalam, mais il ne lui donna aucune assistance. Abu Sufyan visita ensuite Abu Bakr, qui se refusa à intervenir. Il voulut après cela que Omar intercède en sa faveur, mais il refusa catégoriquement. Finalement, il vit Ali ibn Abi Talib et Fatima, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il se mit à les supplier en usant des mots les plus humbles, mais ils regrettèrent de ne rien pouvoir faire pour l'aider. Abu Sufyan, suivant le conseil de Ali, entra dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam et déclara solennellement qu'il accordait sa protection aux gens de la Mecque. Puis, montant son chameau, il regagna la Mecque. Une fois arrivé, il fit un rapport sur sa rencontre avec sa fille, décrivit les réactions d'Abu Bakr, de Omar et de Ali, mentionna le silence du prophète alayhi salatu wassalam et fit savoir aux Mécois ce qu'il avait tenté de faire sur les conseils de Ali. Ils lui répondirent lorsqu'ils surent que le prophète sallallahu alayhi wassalam n'avait pas donné son accord. « Malheur à toi, il n'a fait que se jouer de toi. » Il dit, « Par Allah, je n'ai rien pu faire d'autre. Les préparatifs en vue de marcher contre les Mécois. D'après At-Tabarani, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, demanda à Aïcha, son épouse, 3 jours avant de recevoir la nouvelle relative à la rupture du pacte, de débuter des préparatifs relatifs à une campagne militaire. Entre-temps, Abu Bakr entra et demanda à Aïcha, « Ô ma fille, pourquoi ces préparatifs ?» Elle lui répondit, « Par Allah, je l'ignore. » Il dit alors, « Par Allah, il n'est pas encore venu le temps de combattre les Byzantins. Où donc veut se diriger l'envoyé d'Allah ?» Elle lui rétorqua de nouveau, « Par Allah, je n'en ai aucune idée. » Le matin du 3e jour, Amr ibn Salim al-Khuzai arriva en compagnie de 40 cavaliers pour informer le prophète, alayhi salatu wassalam, des malheurs de sa tribu et afin d'obtenir l'appui des musulmans pour que justice soit faite. Les Médinois surent alors que Quraysh avait brisé le pacte. Après Amr, vint Boudail et ensuite Abu Sofyan, et la nouvelle se trouva être indiscutablement vérifiée. L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, ordonna aux musulmans de se préparer, les informant de leur destination. Puis il dit, « Ô mon Dieu, fais que les Quraychites demeurent sans nouvelles de nous jusqu'à ce que nous les surprenions. » Afin de s'assurer d'une discrétion totale concernant ses intentions militaires, le prophète, alayhi salatu wassalam, dépêcha un détachement comprenant 8 hommes sous le commandement de Qatada ibn Rib'i en direction de la vallée d'Idam, à une faible distance de Médine, au cours du mois de Ramadan de l'an 8 de l'Hégire, afin de détourner l'attention des gens et de leur dissimuler son véritable dessein. Après s'être acquitté de sa mission, ce détachement rejoignit le prophète, alayhi salatu wassalam, sur le chemin de la Mecque. Hatib ibn Balta'a envoya à la Mecque une femme porteuse d'une lettre où était dévoilée l'imminence de l'attaque. Informé de ce fait par l'ange Djibril, le prophète, alayhi salatu wassalam, dépêcha Ali et Al-Miqdad à la poursuite de cette messagère. Ils la rattrapèrent et trouvèrent la lettre cachée dans ses cheveux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, fit venir Hatib et lui demanda la raison de son acte. Ce dernier répondit, « Ô messager d'Allah, ne te hâte pas d'agir contre moi. Par Allah, j'ai foi en Allah et en son messager. Je n'ai pas agi ainsi pour renier ma religion. Seulement, j'étais un homme lié aux Quraychites, mais ceux-ci ne me considéraient pas comme l'un de leurs alliés les plus marquants. Tous les Muhajirun qui sont avec toi ont des parents à la Mecque pour protéger leurs familles et leurs biens. N'ayant pas avec les Mécois les mêmes liens de parenté, j'ai voulu m'attirer leur sympathie afin d'obtenir la protection de mes parents. » Omar dit alors, « Ô messager d'Allah, laisse-moi lui couper la tête. Il a trahi Allah et son envoyé, c'est un hypocrite. » L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit, « Il était présent à Badr. Qu'en sais-tu, ô Omar? Peut-être qu'Allah, regardant les gens de Badr, leur a dit, « Faites ce que vous voulez, car mon pardon vous est acquis. » Omar, les larmes aux yeux, dit, « Allah et son messager sont plus savants. » Après avoir achevé les préparatifs militaires, le prophète, alayhi salatu wassalam, se mit en route pour la Mecque à la tête de 10 000 soldats, le 10e jour du mois de Ramadan, en l'an 8 de l'Hégire. Il désigna comme lieutenant à Médine Abu Rahm al-Rifari. Lorsque l'armée musulmane fut parvenue à Al-Juhfa, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib et sa famille vinrent à la rencontre du prophète, alayhi salatu wassalam. À Al-Abuwa, le prophète, alayhi salatu wassalam, se trouva face à ses cousins Abu Sofyan ibn al-Harith et Abdullah ibn Umayya. Mais le mal qu'ils avaient perpétré contre lui ainsi que les satires qu'ils avaient composées contre lui le détournèrent d'eux. Salama intercéda en leur faveur auprès de lui et Ali conseilla Abu Sofyan ibn al-Harith de se rendre auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, et lui faisant face, de lui tenir les mêmes propos que ceux qu'avaient tenus les frères de Joseph. Par Allah, Allah t'a vraiment préféré à nous, et nous étions certainement dans l'erreur. Sourate 12, verset 91, selon le sens du verset. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui répondit, « Pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate 12, verset 92, selon le sens du verset. Abu Sofyan déclama alors des vers dont voici quelques-uns. « Je jure que lorsque je porte un drapeau, pour que les cavaliers d'Allah triomphent de ceux de Muhammad, je suis comme quelqu'un de désemparé, voyageant dans les ténèbres de la nuit. Telle est ma situation, alors qu'un guide différent de moi-même me mène sur le chemin de la droiture. Mon âme point ne me guida, mais bien celui qui, autrefois, j'ai traqué. » L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui tapota la poitrine alors et dit, « Oui, toi qui m'as obligé à quitter mon pays. » Les musulmans reprirent alors leur progression tout en jeûnant, jusqu'à ce qu'ils eurent atteint Al-Qadid, un point d'eau entre Rosfan et Qadid. Là, l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, rompit le jeûne et les gens suivirent son exemple. Arrivés à Mar al-Zahran, il ordonna aux musulmans d'allumer chacun un feu. Omar ibn al-Khattab fut désigné à la tête des hommes à qui revenait la charge de la garde. Entre-temps, Abu Sufyan ibn Harb, accompagné de Hakim ibn Hizam et de Budayl ibn Warqa, sortirent de la Mecque pour se renseigner sur la marche de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Al-Abbas dit « Alors que je montais la mule du messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, j'entendis la conversation d'Abu Sufyan et de Budayl ibn Warqa. Abu Sufyan dit « Je n'ai jamais vu autant de feu ni autant d'hommes. » Budayl répondit « Par Allah, ce sont les Khouza'a décidés à faire la guerre. » Abu Sufyan dit « Les Khouza'a ne sont pas aussi nombreux. » Al-Abbas dit « Je reconnus la voix et je dis « Est-ce bien toi, ô Abu Hanzala ?» Reconnaissant à son tour ma voix, il demanda « Abul Fadl ?» Je répondis par l'affirmative. Il dit « Qu'as-tu, puisse mon père et ma mère te servir de rançon ?» Je dis « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est ici à la tête de son armée. Demain, il marchera sur la Mecque. » Abu Sufyan accompagna alors Al-Abbas en vue de solliciter une audience auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. « Chaque fois, raconte Al-Abbas, que nous passions auprès d'un groupe de musulmans, on nous demandait « Qui est celui-là ?» Mais reconnaissant la mule de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui me servait de monture, il nous laissait passer. Ce fut ainsi jusqu'au moment où nous arrivâmes devant le feu du campement de Omar. Ce dernier posa la même question, mais s'avançant vers nous, il reconnut Abu Sufyan et s'écria « Abu Sufyan, l'ennemi d'Allah, louange à Allah qui te livre à nous sans traité ni sauf conduit. » Et il se dirigea en courant vers la tente de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Je mis la mule au galop et je le devançai, et sautant à bas de ma monture, je m'introduisis auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, suivi immédiatement par Omar. Il dit « Oh, envoyé d'Allah, c'est Abu Sufyan, laisse-moi lui couper la tête. » J'intervins « Oh, messager d'Allah, il est sous ma protection. » Et m'asseyant auprès de lui, je continuai « Par Allah, personne ne l'approchera cette nuit hormis moi. » Je dis à Omar, qui manifestait une agressivité encore plus grande, « Pas si vite, oh Omar. Si Abu Sufyan avait été un des Banu Adi ibn Ka'b, tes parents, tu n'aurais pas eu cette réaction. » Omar répondit, « Doucement, oh Al-Abbas. Par Allah, ton adhésion à l'islam m'a réjoui plus que si Al-Khattab avait cru en Allah et en son messager. Et cela seulement parce que l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, tenait plus à ta conversion qu'à celle d'Al-Khattab. » L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, dit alors, « Ô Al-Abbas, emmène-le dans ta tente et ramène-le-moi demain à la première heure. » Le lendemain, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'adressa à Abu Sufyan en ces termes. « Malheur à toi, n'est-il pas enfin temps pour toi de témoigner que je suis l'envoyé d'Allah ?» Abu Sufyan répondit, « Puissais-je sacrifier pour toi mon père et ma mère, combien tu es indulgent, généreux et respectueux des liens de parenté. Quant à cela, il subsiste encore en moi quelques doutes. » À cet instant, Al-Abbas lui dit « Malheur à toi, soumets-toi, témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah avant que ta tête ne roule par terre. » Il prononça alors l'attestation de foi. Al-Abbas dit au prophète, alayhi salatu wassalam, « Ô envoyé d'Allah, Abu Sufyan est un homme qui aime à se vanter et à se mettre en avant. Accorde-lui quelques privilèges. » Il dit « Celui qui demeurera dans sa propre maison n'aura rien à craindre ni pour lui ni pour sa famille, et celui qui entrera dans la mosquée sacrée sera également en sécurité. » Le matin du 17e jour du mois de Ramadan de l'an 8 de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam quitta Mar al-Zahran. Il ordonna à Al-Abbas de faire en sorte qu'Abu Sufyan demeure près d'un défilé montagneux. Ainsi, il pourrait apercevoir la progression de la totalité de l'armée musulmane vers la Mecque pour ainsi constater l'imposante démarche des soldats d'Allah. Les différentes tribus se succédèrent les unes après les autres avec leurs bannières fièrement arborées. Fortement impressionné, Abu Sufyan ne cessa de s'enquérir de l'identité de chacune d'elles. Le bataillon des Muhajirun et des Ansar, vêtus d'armures vert sombre avec le prophète alayhi salatu wassalam à leur tête, fermait le défilé. Abu Sufyan demanda à Al-Abbas « Gloire à Allah, ô Abbas, qui sont ces gens ?» Il répondit « C'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avec les Muhajirun et les Ansar. » Il dit « Personne ne pourra leur résister. » Puis il ajouta Par Allah, ô Abul Fadl, le pouvoir du fils de ton frère est devenu immense. » Al-Abbas remarqua aussitôt, « Ô Abu Sofyan, c'est cela la prophétie. » Et Abu Sofyan acquiesça. Sa'd ibn Ubada portait l'étendard des Ansar. Lorsqu'il vint à passer près d'Abu Sofyan, il s'exclama, « Aujourd'hui sera le jour du massacre. L'inviolable sera commis et Allah humiliera Quraysh. » Abu Sofyan se plaignit de ses propos au prophète alayhi salatu wassalam. Abdurrahman ibn Auf et Othman dirent, « Ô envoyé d'Allah, nous craignons qu'il fasse preuve de violence à l'égard des Quraishites. » Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire, « Non, aujourd'hui la Kaaba sera exaltée. Aujourd'hui Allah rendra le peuple de Quraysh puissant. » Et il ordonna sur le champ que Sa'd soit démis du port de la bannière. Elle fut ensuite confiée à son fils Qais ou à Az-Zubayr, selon une autre version. Al-Abbas pressa Abu Sofyan de retourner en toute hâte à la Mecque afin de mettre en garde les polythéistes contre toute agression à l'encontre des musulmans. Une fois parvenu à la Mecque, celui-ci cria à pleine voix pour dissuader ses concitoyens de toute attitude hostile, leur conseillant de se réfugier dans sa maison. Sa femme s'indigna de son attitude et elle le saisit par la moustache en le maudissant et en le traitant de lâche. Les Mécois lui dirent « Qu'Allah te combatte, ta maison ne peut nous contenir tous. » Il dit alors « Celui qui rentre chez lui ou se réfugie dans la mosquée sacrée sera en sécurité. » Cependant, les polythéistes incitèrent l'Ali de la cité à s'opposer à l'armée musulmane. Menés par Ikrima ibn Abi Jahl, Safwan ibn Umayya et Suhail ibn Amr, les sceaux de Quraysh se rendirent à Al-Khandama en nourrissant des intentions meurtrières. Le prophète alayhi salatu wassalam de son côté s'arrêta à Zoutouwa. Il observait une attitude toute empreinte d'humilité devant Allah, au point que sa barbe effleura la selle de sa monture. Il rendait ainsi grâce à Allah pour l'avoir honoré d'une telle victoire. Il désigna Khalid ibn Walid à la tête de l'aile droite de l'armée, se composant des tribus d'Aslam, Sulaym, Rifar, Muzayna et Juhayna. Il lui ordonna d'entrer à la Mecque du côté sud, de combattre ceux qui le combattraient et de le rejoindre à As-Safa. Az-Zubayr ibn al-Awwam fut chargé de conduire l'aile gauche et d'investir la Mecque par le nord, à Kouda, et d'aller planter la bannière à Al-Hajoun et de l'y attendre. Abu Ubaïda, placé à la tête de l'infanterie, reçut l'ordre d'entrer dans la cité par l'ouest. Les bataillons musulmans prirent ensuite leurs chemins respectifs afin d'exécuter les tâches leur ayant été assignées. Khalid ibn al-Walid parvint jusqu'au cœur de la cité avec succès après avoir tué 12 Mécois et perdu 2 musulmans au combat. Ces musulmans étaient Karz ibn Jabir al-Fihri et Khanis ibn Khalid ibn Rabi'a. Il rejoignit l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam à As-Safa. Az-Zubayr partit et atteignit Al-Hajoun où il planta l'étendard. Il dressa la tente du prophète alayhi salatu wassalam et attendit son arrivée. Entouré des Muhajiroun et des Ansar, l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam se dirigea vers la mosquée sacrée. Il toucha la pierre noire et fit le tour de la Kaaba, et à l'aide d'un arc qu'il tenait à la main, il fit tomber les 360 statues se trouvant autour et sur la Kaaba, tout en récitant le verset suivant. « La vérité, l'islam, est venue, et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. » Ce jour-là, il fit le tawaf assis sur sa monture. Il n'était pas à ce moment en état d'ihram. Une fois les tournées achevées, il fit venir Othman ibn Talha, le gardien de la Kaaba, et celui-ci lui en remit la clé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra et vit sur les murs des représentations des prophètes Abraham et Ismaël, alayhim as-salam, lançant des flèches divinatoires. Il dit « Par Allah, jamais ils n'ont fait une telle chose ». En voyant une colombe en bois sculpté, il la cassa. Il ordonna ensuite que l'on effaçât les peintures. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était entré dans la Kaaba avec Usama ibn Zayd et Bilal et avait fermé la porte derrière lui. Il fit face au mur situé à l'opposé de la porte, pria et prononça les formules de takbir et d'unicité d'Allah. Peu de temps après, il retourna vers la porte et, se tenant sur la porte surélevée, il contempla la foule amassée en contrebas et prononça le célèbre discours suivant. Nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il n'a aucun associé. Il a accompli la promesse qu'il a faite à son serviteur et il l'a secouru et seul, il a vaincu tous les coalisés. Toute prétention à un privilège, qu'elle soit motivée par les liens du sang ou par la richesse, est nulle et non avenue, excepté la charge de gardien de la Kaaba et l'intendance des eaux. Sachez que le prix du sang pour celui qui meurt sous le fouet ou le bâton d'une mort quasi préméditée est très lourd. 100 chameaux ou chamelles, dont 40 chamelles en état de gestation. Ô gens de Quraysh, Allah a certes aboli parmi vous toute fierté de la Jahiliyyah et tout orgueil lié à votre lignage, et ce parce que tous les êtres humains sont descendants d'Adam et Adam fut créé à partir de terre. Il récita alors le verset suivant. Ya ayyuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Sourate 49, verset 13, selon le sens du verset. Il ajouta ensuite, ô peuple de Quraysh, comment, à votre avis, vais-je me comporter envers vous ? Ils répondirent, ô noble frère et fils d'un noble frère, nous ne nous attendons qu'à de la bienveillance de ta part. Il dit alors, je vais employer envers vous les mêmes mots que Youssouf a prononcés vis-à-vis de ses frères. Il a dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Le prophète ﷺ continua en disant, allez donc où vous voulez, car vous n'avez pas de comptes à rendre. Quant à la charge de gardien de la Kaaba et à celle de l'intendance des eaux, la Siqaya, le prophète ﷺ ordonna qu'elle demeure entre les mains de Othman ibn Talha et que la clé de la porte de la Kaaba soit détenue par lui et ses descendants pour toujours. Il dit à Othman ibn Talha, « Prenez-la, vous la passant de père en fils. Seul un injuste vous l'arracherait. Othman, Allah place son temple sous votre protection. » Profitez convenablement des biens que vous en recevez. » Lorsqu'approcha l'heure de la prière, Bilal monta sur la Kaaba et fit l'adhan, l'appel à la prière. Abu Sufyan ibn Harb, Itab ibn Usayd et Al-Harith ibn Hisham étaient pendant ce temps assis à proximité dans la cour de l'enceinte sacrée. Itab ibn Usayd commenta cette situation nouvelle, c'est-à-dire Bilal montant sur la Kaaba pour faire l'adhan, en disant qu'Allah avait honoré Usayd, c'est-à-dire son père, en lui épargnant d'avoir à entendre ceci. Al-Harith dit, « Par Allah, si je savais qu'il disait la vérité, je l'aurais suivi. » Abu Sufyan, quant à lui, dit, « Par Allah, je ne dirai rien, car ces cailloux témoigneront de mes paroles. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'approcha d'eux et il leur dit qu'il avait appris la teneur de leurs paroles. Itab et Al-Harith, saisis d'une incroyable stupeur, dirent, « Nous attestons que tu es l'envoyé d'Allah. » Par Allah, personne n'était à nos côtés pour t'en informer. Ce même jour, le prophète alayhi salatu wassalam entra dans la maison d'Umhani, la fille d'Abu Talib. Là, il accomplit la grande ablution, le rusl, et effectua 8 unités de prière, 8 raka'a, en témoignage de sa reconnaissance pour la victoire qu'Allah lui avait accordée. Umhani avait accordé sa protection à 2 parents de son mari que Ali ibn Abi Talib voulait tuer. Le prophète alayhi salatu wassalam approuva l'action d'Umhani en disant, notre protection est acquise à celui qu'Umhani prend sous sa protection. La mise à mort de 9 criminels notoires fut déclarée licite, même s'ils venaient à s'accrocher à la tenture de la Kaaba. Néanmoins, seuls 4 d'entre eux furent tués, les autres ayant été pardonnés pour différentes raisons. Ceux qui furent exécutés sont Abdul Uzza ibn Khattal, Miqyas ibn Hubaba, Al-Harith ibn Nufayl ibn Wahb et une esclave musicienne appartenant à Al-Harith ibn Nufayl. Nous lisons dans Fathul Bari d'Ibn Hajar que parmi les personnes qui avaient été également condamnées à mort, il y avait Al-Harith ibn Tulatil al-Khuza'i qui fut exécuté par Ali. Il y avait également Ka'b ibn Zuhair, un poète de renommée, mais il se rendit plus tard à Médine où il se convertit à l'islam et composa un poème devenu célèbre où il faisait l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait également Wahshi qui embrassa plus tard l'islam à Médine et Hind bint Utba qui embrassa l'islam et fut aussi épargné. Bénéficièrent également du pardon du prophète alayhi salatu wassalam, Ikrima ibn Abi Jahl et Habbar ibn al-Aswad. Ce dernier avait attaqué la fille du prophète alayhi salatu wassalam alors qu'elle se rendait à Médine depuis la Mecque. L'armée musulmane ayant investi la Mecque, ils avaient pris la fuite, mais ils embrassèrent un peu plus tard l'islam. Safwan ibn Umayya n'était pas du nombre des recherchés, mais étant un des notables de Quraysh, il prit peur et s'enfuit. À la demande de Omer ibn Wahb al-Jumahi, le prophète alayhi salatu wassalam lui accorda son pardon et donna à ce dernier, pour convaincre Safwan que sa protection lui était accordée, le turban qu'il portait à son entrée à la Mecque. Revenu à la Mecque, Safwan refusa d'embrasser l'islam et demanda un délai. Le prophète alayhi salatu wassalam lui accorda un délai de 4 mois. Il devint plus tard musulman. Sa femme s'étant convertie avant lui, l'établissement d'un nouveau contrat de mariage ne fut pas exigé lors de son entrée en islam. Quant à Fadala, il était un homme audacieux. Il approcha l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam qui tournait autour de la Kaaba avec l'intention de le tuer. Le prophète sallallahu alayhi wasallam l'informa de son dessein et il adhéra aussitôt à l'islam. Le second jour de la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wasallam s'adressant aux gens parla du statut sacré de la Mecque. Après avoir glorifié Allah, il proclama la Mecque comme territoire sacré jusqu'au jour du jugement. Le sang ne devait plus y être versé. Quant à l'autorisation accordée temporairement au prophète alayhi salatu wassalam pour y combattre, elle ne concernait que lui et était liée uniquement aux événements qui caractérisèrent la conquête de cette cité. Ibn Abbas a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit « Allah, le jour où il a créé les cieux et la terre, a déclaré la Mecque territoire sacré. Son caractère sacré a été décrété par Allah et cette cité le restera jusqu'au jour du jugement dernier. Il n'appartient pas à celui qui croit en Allah et au jour dernier d'y verser le sang ou d'arracher ses arbres. Si quelqu'un s'autorise à y verser le sang prétextant du comportement de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de la conquête de la Mecque, dites-lui « Allah a donné cette autorisation à son messager et point à vous ». La Mecque n'a perdu son caractère sacré pour moi que durant un instant en particulier. Elle est redevenue maintenant sacrée comme elle l'était auparavant. Que les présents informent les absents de cela. Dans une autre version, nous lisons « On ne doit pas tailler ses arbres, effaroucher son gibier, ramasser les objets perdus sauf pour en rechercher leur propriétaire et on n'arrache pas ses herbes. » Al-Abbas dit à cet instant « Ô messager d'Allah, sauf l'Ithkir, plante se trouvant dans les environs de la Mecque, car on ne saurait s'en passer pour les forges et les maisons. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors, sauf l'Ithkir, qu'il sera licite d'arracher. Entre-temps, les hommes de la tribu de Khuza'a tuèrent un membre de la tribu des Banu Layth par esprit de vengeance. Le prophète alayhi salatu wassalam s'indigna de ce crime et ordonna aux Khuza'a de cesser ses pratiques héritées de l'ère pré-islamique. Il indemnisa les parents de la victime. De plus, il accorda à la famille de toute personne assassinée désormais le droit de choisir entre deux options, à savoir le prix du sang ou la juste rétribution, c'est-à-dire l'exécution du criminel. Après avoir achevé son discours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam chemina sur sa chamelle jusqu'à As-Safa, où les mains levées vers le ciel, il invoqua Allah. Les Médinois s'inquiétèrent et s'interrogèrent ainsi. Pensez-vous que le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam quittera la Mecque? À la fin de son invocation, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Que dites-vous ? » Ils répondirent « Rien, messager d'Allah. » Le prophète alayhi salatu wassalam insista cependant jusqu'à ce que les Ansar lui firent part de ce qu'il se disait. Il leur dit alors « À Allah ne plaise, je vivrai parmi vous et mourrai parmi vous. » Après cette grande conquête, les Mécois comprirent que la seule voie pour la réussite était celle tracée par l'islam. Ils y adhérèrent et se rassemblèrent sur la colline d'As-Safa pour prêter serment d'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Au-dessous de ce dernier, Omar ibn al-Khattab s'était assis pour recevoir le serment en son nom. Dans Madarik at-Tanzil, An-Nasfi a rapporté que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam finit de recevoir le serment d'allégeance des hommes, les femmes vinrent à leur tour s'acquitter du serment. Omar fut chargé de prendre leur engagement. Hind bint Utba, la femme d'Abu Sofiane, arriva déguisée de peur que le prophète alayhi salatu wassalam ne la reconnaisse et ne lui demande des comptes pour avoir mâché le foie de son oncle Hamza lors de la bataille d'Uhud. Le prophète alayhi salatu wassalam agréa le serment des femmes à condition qu'elles n'associent rien ni personne à Allah, ce qu'elles acceptèrent immédiatement. Il ajouta qu'elles ne devaient pas voler. À cet instant, Hind se plaignit de l'avarice d'Abu Sofiane et dit qu'elle était obligée de prendre un peu d'argent pour ses besoins et ceux de ses enfants. Abu Sofiane, qui était présent, ne la réprimanda pas. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sourit et reconnut Hind. Elle l'implora pour qu'il lui pardonne toutes ses erreurs passées, ce qu'il fit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, poursuivit. Et qu'elle ne commette pas l'adultère. Hind demanda, est-ce que la femme libre commet l'adultère? Le prophète, alayhi salatu wa sallam, continua. Et qu'elle ne tue pas leurs enfants. Hind répliqua, nous les avons élevés lorsqu'ils étaient petits et vous les avez tués lorsqu'ils sont devenus adultes. Vous êtes donc plus savants quant à cela, de même qu'eux. En effet, son fils Hanzala avait trouvé la mort à Badr. Omar éclata de rire et le prophète, alayhi salatu wa sallam, quant à lui, sourit. Il continua, à ne pas produire de mensonges. Elle dit, par Allah, le mensonge est une vilaine chose. En réalité, tu ne nous recommandes que la noblesse des caractères ainsi que la droiture. L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wa sallam, dit, et qu'elle ne te désobéisse pas en ce qui est convenable. Elle dit, par Allah, nous n'avons aucunement l'intention de te désobéir. De retour chez elle, Hind se mit à briser son idole en disant, c'est à cause de toi que nous avons été victimes de l'égarement. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demeura à la Mecque pendant 19 jours enseignant l'islam et orientant les gens vers la guidée et la crainte d'Allah. Il dépêcha des détachements pour appeler à l'islam et à détruire les idoles encore présentes dans les environs de la Mecque. Il fut transmis de par la Mecque le message suivant du prophète alayhi salatu wa sallam, « Celui qui croit en Allah et en l'au-delà doit détruire toutes les idoles qui se trouvent dans sa maison ».